I'm hosting on it that after no so bold we stay. She can't. France Impro, ça donne chaud. Voilà, bonjour, ça y est, on y est. Bonjour à tous. Vous êtes bien sur France Impro, 89.1 sur Éphémère. Et aujourd'hui, eh bien, gros programme, super beau programme, avec Walking Rodriguez à la trompette et au dessin, Bastien Fontanil à la vielle à roue et Lucie Laric au violon. Et sans plus attendre, une impro juste pour vous, c'est inédit, c'est aujourd'hui, c'est tout de suite. Thank you. Bougez pas, nous sommes encore là. Et si vous écoutez encore la radio, c'est que vous faites bien. Et bien voilà, en exclusivité, c'était inédit. Un trio qui ne se connaît pas. Bastien Fontanil à la vielle à roue, Lucie Larrique au violon et Walking Rodriguez à la trompette. Bonjour. Bonjour Walking. Bonjour Lucie. Bonjour. Bonjour Bastien. Et voilà, c'est particulier. Moi, je pensais à ça en vous écoutant jouer. On s'est dit, c'est particulier, c'est fan de morceaux. Là. C'était, quelque part, moi, j'ai envie de dire, ça fonctionne super bien ce que vous venez de faire. Enfin, je sais pas. Alors, il y a toujours cette. Est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on n'en parle pas? Que dire d'une impro ou que dire de la manière dont ça se termine? Est-ce que vous voulez en parler un peu? C'est peut-être les beaux matins, en fait. ça va être comme ça les journées pour nous. Merci beaucoup à l'invitation qui nous fait France Impro et pour cette émission. Et cette invitation, c'est bien. Merci beaucoup. Et Youssef aussi, et à FMR. Peut-être que c'est grâce à la partition graphique de Walking qui nous a réunis pour cette impro. Il y a eu une cohésion comme ça, grâce au dessin, je sais pas. C'est ça, du coup, on peut parler de la manière dont va se dérouler la matinée. Du coup, l'idée, c'est d'inviter des musiciens qui vont jouer sur des dessins de Walking, donc qui était juste à l'instant à la trompette. Et alors, Walking, il arrive et puis il nous propose de regarder ses dessins et de choisir ensemble ce qui va être joué ou pas. Et alors, du coup, on voit un peu, on peut essayer de décortiquer un peu la manière dont ça se passe. Donc, par exemple, toi, Lucie, tu es parti pour les regarder. Tu t'es dit, bah, celui-là, oui, tiens, pourquoi pas, etc. Bastien, toi, par exemple, toi, tu ne veux pas les voir. Tu te dis, non, c'est de l'impro et je préfère les découvrir sur le moment. Ouais, j'aime bien me laisser surprendre. Et pas savoir ce qui va se passer du tout. Mmh. Pas commencer à imaginer un déroulement, des choses. Mmh. J'aime bien me sentir libre. C'est un peu l'idée de la musique improvisée. Hein. C'est un peu bateau, un peu générique de le présenter comme ça. Mais bon, c'est un peu l'idée. Est-ce qu'on peut parler un peu de vos parcours respectifs? Savoir un peu d'où vous venez, qu'est-ce que vous faites, qui êtes-vous? Peut-être qu'on va commencer par toi, Walking. Si. Et bon, mais mon parcours, je suis avant tout plasticien, après aussi plasticien, et la partie musicale, c'est vrai que j'étais toujours intéressé de pouvoir travailler et le rapport image, musique, mouvement, et ça commençait, ça fait un bon moment déjà. Je viens en Saint-Domingue, République dominicaine. Ça commençait un peu avec la musique traditionnelle, plutôt boudou, spirituel. Okay. Uh-huh. Aussi que ça rejoint très bien avec le jazz plus tard. Donc, ça venu à l'atelier par rapport au travailler avec la musique souvent. Et finir en dessin, au moment que ça finit en morceau, c'était complètement par hasard. Mais c'est devenu une habitude que c'était comme un rituel. Et petit à petit, je voulais proposer ça pour pouvoir un peu traduire pour la musique. Enfin, c'était un peu une envie que j'avais, mais pas réalisable sur le moment parce que je ne jouais pas beaucoup d'instruments à part les pinceaux. T'as commencé à dessiner à quel âge? Très tôt. Très tôt, oui. Enfant. Oui, très tôt, et puis après à l'école des Beaux-Arts plus tard et tout. Ok. Mais je me considère plutôt aussi en partie à autodidacte, qui a travaillé un peu en dehors de l'école, justement à la rencontre de musique indirecte avec des manifestations religieuses et entre autres. Et en France, en arrivant en France en 2003, et l'approche, c'était très, très, très, très, très rapide parce que les concerts, c'était assez souvent aussi par rapport à la musique, à le free et le jazz. Et donc, petit à petit, ça m'approchait beaucoup aux musiciens aussi, notamment comme les musiciens de Sonophage, et Eddie Boubacar, et puis Sébastien Sirot aussi. C'est presque mon parrain dans la trompette. Parce que grâce à eux, j'ai réussi j'arrivais à toucher l'instrument et il y a un dessin à la fois en papier. Mmh. Donc, c'était à travers une exposition que j'ai été invité pour un festival. Donc, exposition qui était en relation avec la musique. À l'époque, j'écoutais beaucoup de la musique à dessin, qui m'inspirait beaucoup et tout. Mmh. Donc, et petit à petit, cette approche, la rencontre avec la fanfare de la Touffe pour cette exposition, voir la trompette, la jouer, et puis finir avec l'élève éclaté pendant deux jours que je ne pouvais même pas parler. Et petit à petit, voilà, l'approche, ça s'est fait avec les sonophages. Et voilà, et là, comme ça, c'est parti. Et la trompette, ça sonnait. Donc, du coup, voilà. Du coup, tu autodidacte dans le dessin. Il y a une partie que c'est autodidacte, pas tout à fait, parce que je suis allé à l'école, j'ai fait 5 ans d'école en tout, mais autodidacte dans le sens de que je travaillais et en dehors de l'école, en dehors de l'enseignement, ce qui me proposait. Disons qu'il y avait une formation assez classique. Alors, en République dominicaine. Voilà, c'est ça. Il y avait une formation classique, très très classique, et en dehors de l'école, il y avait un autre mouvement, autre bruit, autre son, autre chose que le perfil del David, Michel-Ange, cette histoire. C'est bien. Et à la fois, bon, réparti au quartier où ça se passe beaucoup de choses, beaucoup de mouvements, beaucoup de bruit, ben, t'as envie plutôt de travailler sur un instant, lequel je considère que ça s'approche très bien à la musique improvisée. C'est l'instant même, c'est ça qui me plaît beaucoup. De le faire. Et autodidacte parce que j'ai recommencé à faire des études inconsciemment sur la musique traditionnelle et haïtienne et dominicaine aussi, qui est large, qui est vaste et qui se connaît très peu encore. Comme musique populaire, ça se connaît très peu parce que ce n'est pas la musique pour faire jingle ou de faire, voilà, pour faire commercial. Donc, ouais. Et la rencontre avec ces musiciens, ces vieux messieurs, vieux madame. Et en France, c'est plutôt là, à l'instant, là, t'es là maintenant, tout de suite. Voilà. Tu le fais, ben, tu le fais plus tard, mais tu le fais maintenant. Voilà, c'est comme ça. Moi, je me souviens quand une des premières fois où j'ai vu tes dessins, donc du coup, c'était dans le cadre du FIL, on le rappelle, c'est le grand orchestre de musique improvisée qui est basé à Toulouse et qui existe depuis 2 ans, je crois, maintenant. Et alors, tu vois, moi, j'ai vu les dessins et tout de suite, je pensais à, tu vois, c'est les partitions qu'on peut trouver pour les musiciens de jazz. On appelle ça des real books. Voilà, tu as toutes les partitions. C'est des retranscriptions d'élèves aux États-Unis. Voilà, je me dis, mais voilà, c'est des dessins, mais c'est complètement fou. J'imaginais, tu vois, des particiens pour musiciens improvisateurs, tu vois. Voilà, avec des thématiques, je sais pas. Alors, on travaille beaucoup, quand on travaille la musique improvisée, on travaille beaucoup à partir de contraintes qu'on peut se donner pour aller sur un terrain ou un autre. Et alors, moi, je pensais à ça. Je me disais, ah ! Là, je peux te dire que je trouve pas mal les contraintes pour pouvoir le faire, parce que c'est devenu un peu, on va dire, des handicaps possibles. On va dire comme ça, un handicap possible parce que, en fait, dans le fil, on fait des répètes et aussi on fait des comptes rendus. Les comptes rendus, souvent, c'est fait pour un des membres. Et donc, ça passe beaucoup par rapport à l'écrit. Et au moment, c'est arrivé mon tour. Bon, je ne sais pas écrire bien le français. Donc, j'ai utilisé le compte rendu en faisant un dessin. Et notamment, là, inconscientement, enfin, ça, c'était un peu, on va dire, retrouvé. Cette possibilité, parce qu'il y a des musiciens comme toi, quand tu as vu les compositions, tu as dit, bon, c'est des dessins, mais c'est vrai, ça peut être joué. Mais avant ça, il y avait des comptes rendus faits. C'est-à-dire, j'ai pris des notes, j'ai dessiné un peu quelques sujets qui ont été proposés pour faire des répètes, enfin, pour faire des exercices dans l'orchestre. Donc, du coup, j'ai dessiné les sujets et aussi pour faire des suggérances un peu par rapport à ce que je voulais dire, ce que j'avais capté dans le compte rendu. D'accord. Voilà, tu faisais des propositions par tes dessins, d'accord. Voilà, par mes dessins. Donc, comme ça, c'est que... Enfin, on va dire que ça, c'était un petit peu avant de la proposition indirecte. Alors là, du coup, ça, alors, on est dans le studio, hein, on est tous autour de la table, et on a un dessin en face de nous. Du coup, c'est pas à 4, à 3. Oui. OK, donc ça, c'est un compte rendu d'une répétition celle-ci, de l'orchestre. Celle-ci, c'était un dessin en composition que je préparais après que vous n'avez parlé. Ah, d'accord. Et, okay. Bon, là, c'est quand même un peu écrit par rapport à cette rencontre que m'a fait aujourd'hui. Il y a d'autres dessins. Oui, alors est-ce que tu peux nous en parler pendant, je sais pas, 2 minutes, où tu nous décris le dessin. Je me mets dans la tête des auditeurs. Ouais. Une petite question. Est-ce qu'on pourra mettre les dessins sur le site de France Impro? Oui, ouais. Notamment. Oui, ah ben voilà. Oui. Franceimpro.net, dans quelques jours, vous aurez les dessins. Vous pourrez les voir. Voilà, alors donc du coup, ils n'ont pas de titre, tes dessins, Walking? Et non, la plupart, c'est des rencontres, il n'y a pas de titre, c'est des dessins, on va dire, sonographes. Ah, génial. Dessins sonographes, très joli. Beau, alors, si tu devais nous le décrire, là, en 2 minutes? En 2 minutes, voilà, merci. Voilà. Celle-ci? Oui. Oh, bah c'est celui que tu veux. Bon, dans ce dessin-là, il y a notamment la référence de ce que j'avais commencé par de vue et que je travaille beaucoup, c'est avec la musique. Voilà. Parfois, il y a des silences, mais la radio est allumée. Et donc, voilà, la première référence, c'est un centre. Voilà, un centre, okay. Son qui sort, et puis une marche qui vient de commencer, en relation avec ces dessins, ces parcours des pieds qu'on le voit bien là, qui font un parcours des sons sonorisés où il y a des échappes, des fuites d'accord, d'air, et voilà. Et aussi là, parce que le dessin aussi, il y a une proposition graphique, mais après le musicien, il peut le jouer comme il veut, et c'est développer un peu un son, voilà. Et ce qui m'a beaucoup plu dans l'improvisation, c'est ça, de pouvoir travailler une note, il a développé à différents sons, à différentes façons de la jouer. Okay, okay. Voilà. Donc dans le dessin, il y a ça aussi. Il y a notamment, il y a un rythme, il y a une composition, et qui après, toi comme musicien, peux l'interpréter comme tu veux. D'accord. Voilà. Là, aujourd'hui, au début, je faisais un peu des parcours. Il y a un parcours toujours, mais s'il y a plusieurs musiciens, tu peux choisir un de ces parcours. D'accord. Et voilà, ce qui ça peut donner un peu de façon improvisée, c'est que si tu prends ces parties-là, okay. Moi, je prends ces parties-là, okay. Okay. On va improviser okay. Sur un parcours de dessin. Mmh. Voilà. Mmh. C'est pas une obligation qu'on commence tout ensemble. Mmh. Pourquoi pas si on le veut? Si on veut travailler là-dessus, ça devient autre chose qu'une improvisation. Là, on va travailler en pièce. D'accord. Donc il ne s'agit pas de présenter tout le dessin aux musiciens en leur demandant de jouer ce qu'ils veulent. En fait, tu les guides quand même et tu leur donnes quelques petites explications par rapport à des intentions que toi, tu voudrais voir émerger dans le jeu. Et au début, oui. Il y a des dessins qui sont aussi en référence à des choses que j'ai déjà entendues. Par exemple, pendant certaines répétitions, il y a aussi des dessins, par exemple celui-là, que je l'avais travaillé, enfin je l'avais transcrit après une répétition que j'avais fait avec le film. Et là, il y avait un déroulement, oui, il y a le soleil, il y a un lever de soleil, et puis un déroulement de la lumière par rapport à l'accompagnement, les violons, et puis un solo de piano, et puis la matinée qui commence, la matinée qui finit avec le temps de midi et le dégonflement et toute une autre partie de la journée. Et là, mouvement de l'eau, reflet d'un diamant que je l'appelle, c'était un solo de piano. Ah, d'accord. Et là, c'est des personnages qui jouent un solo chacun. Un, deux, trois. Et voilà, chacun il fait un solo ensemble. Ok, donc là, il y a 8 personnages. Voilà. Et d'accord. Qui chacun adapte un personnage, il joue comme vous le jouez. Mais de façon un peu qu'on peut aussi s'entendre. Voilà. Bon, une discussion collective. Ok, ok, ok. Voilà, on sort ensemble. Et donc, c'est la plupart des dessins, il y en a certains qui sont. Les premiers ont été inspirés notamment des musiques que j'ai entendues, des choses que j'ai déjà entendues, et même des conversations et tout. Et voilà. Ok, super. Bah, écoute, voilà, là, on était dans la tête de l'artiste. Dans ton imaginaire, et alors du coup on va essayer de faire émerger une petite improvisation à propos de ce dessin là et ensuite on parlera un peu du parcours de Bastien Fontanil et de Lucie Larry qui ont gentiment accepté de venir se prêter au jeu. Du coup, moi, je vais me lever et je vais peut-être me mettre là-bas avec le dessin. Et puis, je vous laisse commencer quand vous voulez. Peut-être le temps que vous vous préparez, pour les auditeurs qui n'ont pas vu le dessin, moi, il me semble que ça ressemble à un peu, il y a un petit côté bande dessinée, ou plutôt promenade dessinée, quoi, avec des suggestions sonores. Oui, il y a notamment... C'est pas une pièce unique, centrale, c'est un cheminement, quoi, qu'on trouve sur la feuille. Oui, il y a une animation, ouais. Oui, certain. Et oui, mon influence par rapport au dessin... Que je vois partout, parce qu'il y a ici à Toulouse, par exemple, je retrouvais pas mal de dessinateurs, et il y a beaucoup d'influences aussi d'autres dessinateurs, et c'est vrai qu'il y a, il y a l'animation qui se prête un peu là-dessus, et c'est vrai que je le pense aussi beaucoup dans un mouvement, dans un déroulement, que ça doit un peu se développer. Et aujourd'hui, bon, l'expérience c'est à voir, c'est rencontrer les musiciens, jouer avec, aussi développer un peu le son des propres instruments par rapport à une improvisation. Mais le dessin, il y avait des moments où j'improvise beaucoup dans le dessin aussi. Là maintenant, à ce moment, ça prend beaucoup compte et le fait que ça doit être joué pour quelqu'un ou par quelqu'un. Et mais avant ça, j'improvisais beaucoup dans le dessin, dans la peinture aussi. Il y a beaucoup d'improvisation avec des formes aussi abstraites. Voilà. Il y a de l'impro toujours qui se balade un peu dans l'atelier. C'est bien. Allez, à vous. Thank you. Vous êtes sur France Info. Vous êtes bien sur Éphémère 89.1. On est le deuxième samedi du mois, donc c'est France Impro. Il est 10h30. On espère que vous prenez plaisir à nous écouter ce matin. En tout cas, nous, je crois que c'est le cas. Donc, pour mémoire, cette émission est proposée par un groupe de musique qui s'appelle La Fraction Grossière. Et ce matin, il y a Youssef, Dominique et Jean-Michel au micro, avec trois invités que je laisse Youssef nous présenter, qui viennent de nous faire une improvisation live ce matin dans le studio. Bon. Il y a 18 mois, c'est sa première radio. C'est l'enfant de Dominique et on lui passe un grand bonjour. Et donc voilà, alors mes invités, donc Walking qui nous présente ses dessins, qui est consacré à cette émission, et accompagné de Lucie Laric et de Bastien Fontanil, voilà, qui ont gentiment accepté de venir jouer le jeu. Lucie, tu es à côté de moi, est-ce que on peut parler un peu de toi? D'accord. Musicalement parlant, bien sûr. Tout ce que tu veux. Alors, qu'est-ce que je pourrais... Alors voilà, toi, tu es violoniste. Alors, je crois que tu es arrivée à Toulouse il n'y a pas très longtemps. Oui, c'est ça. Je suis arrivée à Toulouse au mois de septembre, après 10 ans en région parisienne, voilà, où j'ai fait mes études. En fait, j'ai fait un parcours de violoniste très classique dans les conservatoires, dans plusieurs villes de France. Parcours assez complet, théorique et pratique. Et ensuite, j'ai fait une formation d'ingénieur du son à Paris. Et dans ce conservatoire, il y avait aussi une classe d'improvisation. Et comme j'avais un peu laissé tomber le classique entre-temps pour faire ingénieur du son qui me prenait beaucoup de temps, j'ai commencé l'improvisation et voilà, j'ai tout de suite adoré. Donc j'ai poursuivi dans cette voie. Voilà, et depuis que je suis à Toulouse, j'ai fait des belles rencontres dans ce domaine et d'autres. Et donc, toi, tu as du coup ton propre solo? Oui, j'ai un projet en solo avec des poésies que j'ai écrites également. D'accord, ouais. Ok. Donc, tu nous feras partager ça par un petit extrait tout à l'heure? Volontiers. Ok. Plaisir, ouais. Et d'autres projets? Alors, oui, je joue dans le fil, donc voilà, c'est aussi un projet qui me tient à cœur. J'ai quelques projets qui sont encore en chantier, on va dire. Je fais plusieurs sessions avec des gens pour, voilà, pour explorer un peu ce qui est possible. Il y a des choses qu'on va mettre en place, mais c'est encore pas tout à fait prêt à être diffusé, mais c'est en travail. Okay. Quoi. Dans quel, voilà. quel style enfin, Alors, je sais pas si on peut parler de style. Il ouais, de... y a un projet dans la pro acoustique avec une bassoniste qui habite à Paris. voilà, donc on va, en fait, on va créer de la musique à partir des impros qu'on a faites lors d'une précédente session. Voilà, et on va essayer de travailler avec des circassiens. Et j'ai un projet aussi où, avec des textes de violon et de la basse, basse électrique, et avec un guitariste de rock, en fait. voilà. Donc c'est un peu barré, mais c'est rigolo. D'accord, voilà. Okay. Okay, ok. Entre autres. Bon, alors dès que tu as ça, tu peux reviens nous voir. ouais, volontiers aussi. et bah, Bastien Bastien Fautani, Vielle-à-Roue. Alors voilà, c'est toujours épatant d'écouter ce genre d'instrument, c'est complètement fou. Enfin, moi je trouvais que les timbres, les trois timbres, enfin, ça fonctionne super bien. Je... Qu'est-ce que tu veux savoir? Alors Bastien, qui es-tu? D'où viens-tu? Qu'est-ce que tu joues comme instrument? Est-ce que tu peux nous parler de ton instrument peut-être dans un premier temps? Oui, bah, la Vielle-à-Roue, c'est un instrument. Bizarre avec une manivelle, des cordes et une roue et des boutons. Donc souvent, on vient me voir, on me dit ah, comment ça s'appelle c'était, c'est médiéval, c'est celtique. Non, non, rien de tout ça. Enfin, en tout cas, la musique que je fais, c'est en général, hein, l'essentiel de la musique que je fais, c'est plutôt des musiques à danser, des musiques de bal. On appelle les musiques traditionnelles. Bon, c'est pas, pas forcément le mot qui est le plus adapté à mon sens, mais c'est comme ça qu'on les appelle. Et ouais, ponctuellement, je fais j'aime bien venir faire des musiques autres. Et du coup, cet instrument, moi, je l'ai commencé parce que... Enfin, j'ai eu envie de jouer de ça parce que mon père m'emmenait dans des endroits où ça se jouait, dans des bals traditionnels notamment. Mais je crois que c'est drôle, la fois où j'ai vraiment découvert cet instrument et eu envie d'en jouer, c'était dans un festival de jazz. C'était un duo d'un un joueur de vielle qui s'appelle Gilles Chabenat et un saxophoniste, Jean-Marc Padovani. Voilà, ils faisaient un duo. Et, donc c'était pas des musiques à danser, c'était de la musique improvisée, du jazz. Je crois que c'est cette fois-là qui m'a donné envie. Du coup, la boucle est bouclée, peut-être. Je ne sais pas. Mais, enfin, ça, voilà ce que je peux dire de cet instrument rapidement. Donc, c'est un instrument à bourdon. Donc, il y a des sons continus. Et ça, c'est vraiment un aspect de la musique qui me passionne. Le côté modal avec bourdon. Donc, une note qui ne change pas et qui accompagne tout ce qu'on fait par-dessus. Et tout ce qui... Comment dire? La musique se construit... par la relation que la mélodie a avec le bourdon. Voilà, ça, je sais pas si c'est... D'accord, ok. Et toi, dans ton parcours personnel, par rapport à la musique improvisée, c'est vrai que c'est épatant comme instrument, parce que bon, c'est quelque part, enfin, dans l'œil du profane, c'est une manière de détourner l'instrument qu'on a plutôt l'habitude d'entendre dans des musiques dans le domaine du folk, du trad, ce qu'on appelle ça. Enfin, voilà, les étiquettes, c'est toujours un peu... voilà, et moi, je me souviens d'une rencontre, c'était un concert à domicile, une petite session d'improvisation à domicile. Il y avait Luc Fagoaga, donc toi, moi, j'étais venu avec ma contrebasse et je ne sais plus qu'il y avait d'autres. Mais en tout cas, moi, j'avais été complètement épaté. Quoi. C'est possible de sortir autant de sons avec un instrument. Oui. Moi, la musique improvisée, j'avais fait des stages avec Michel Doneda quand j'étais, j'étais plus jeune. Ça m'avait passionné. Il nous avait fait faire du sound painting aussi. Et c'est des moyens de s'exprimer avec les sons que je ne connaissais pas à ce moment-là. Et je crois que ça m'a beaucoup marqué. Et, et après, je suis allé plusieurs fois à Uzest depuis. D'accord. Okay. Et j'ai beaucoup apprécié aussi ce qu'ils m'ont dit ou ce que j'ai pu expérimenter là-bas. Ok. Uzest, tu peux nous parler vite fait du festival, parce que c'est intéressant, la démarche et le... Ben, ça fait beaucoup d'années que ça dure, là. Ça fait, je ne sais plus exactement, 37 ans, quelque chose comme ça. Donc c'est autour de la compagnie Lubat au départ, donc Bernard Lubat, et puis maintenant, donc c'est des musiciens de sa génération, André Mainvielle, voilà, y a toute une équipe. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes, donc les générations des enfants quoi, qui prennent un peu le relais petit à petit. Et c'est, Donc ouais, je me suis retrouvé là-bas, il y avait des gens de mon âge qui jouaient des musiques et qui m'ont invité à jouer avec eux. Enfin, c'était, je me suis bien plu à cette occasion. Ouais. Du coup, c'est un festival qui a pour ambition tout de même de faire un pont entre musique improvisée et musique trad, vivante, à danser, il me semble. Ouais, il y a cette volonté-là. Mmh. C'est très improvisé, très jazz, c'est l'essentiel, j'ai l'impression. Mmh. Mais des ponts sont faits régulièrement, oui, dans la compagnie Lubat, il y a eu souvent des musiciens qui venaient, ou qui en tout cas s'intéressaient à la musique trad. Je sais qu'ils ont invité plusieurs fois Xavier Vidal, qui est en ce moment mon professeur, vu que je suis au conservatoire à Toulouse pour... préparer un diplôme pour être professeur de musique traditionnelle. Et donc voilà, ce monsieur-là qui est spécialiste de la musique traditionnelle, on peut dire, enfin, qui a fait des collectages, c'est-à-dire qu'il allait enregistrer plein de personnes âgées, ou en tout cas qui connaissaient la musique de leur coin donc depuis de nombreuses années. Et donc voilà, cette personne-là, Xavier Vidal, s'est retrouvé aussi sur les scènes de Uzest, ou en tout cas accompagné de la compagnie Lubat, pour faire. Voilà, il a été invité. Ok. Yes. Peut-être une actualité. Oui. Dans le studio, il y a Philémon, il a 18 mois, il s'est endormi. Notre musique doit être apaisante. Ouais, il faut croire. En parlant de musique, on va peut-être passer une des plages, une plage du seul CD, de la seule piste audio qu'on va écouter aujourd'hui, et on en parle juste après avec Lucie. C'est parti. Voilà, donc l'extrait d'un disque que j'ai ramené, qui s'appelle Ausklang de Helmut Lachenmann. Donc c'est un compositeur allemand qui est encore vivant, Et en fait, cette pièce, contrairement à tout ce qu'on vient de dire depuis le début, elle est complètement écrite. Donc voilà, je trouve ça intéressant d'écouter parce que c'est écrit très précisément et en fait, le résultat sonore peut être apparenté en fait à une impro éventuellement. Voilà, donc c'est juste un procédé qui est différent pour obtenir des mélanges de timbres, des fusions de sons qui sont voilà, pas forcément l'usage traditionnel qu'on a dans l'oreille, quoi. Mmh. Voilà. Et ce compositeur, il a aussi écrit des pièces, par exemple, pour Quatuor à cordes, où les violons sont préparés avec du papier alu sur les cordes, ouais. Et donc ça donne plein de sons très grinçants, comme on peut utiliser aussi en impro. Et voilà, c'est un courant de la musique contemporaine qui se rejoint un peu, en fait, et qui m'inspire beaucoup. Super, voilà. Merci. On placera dans notre site la référence de ce morceau et permettra à nos auditeurs de l'écouter en entier, s'ils le veulent. Et tout de suite, Jean-Michel, la chronique. Alors, les rendez-vous pour écouter de la musique dans le mois qui vient. Alors, on se base sur l'agenda des sonophages. Hein. Donc, le 15 février, c'est-à-dire demain soir, à la Pizzeria Belfort. Donc, c'est en centre-ville, hein, à côté de la place de Belfort, à la porte de la Fontaine. C'est à 18h30 et ça s'appelle l'affaire Malofre. C'est avec Marek Kaltennik au piano, avec Laurent Avizou à la guitare, voix et clarinette, et Frédéric Cavalin à la batterie. Voilà, c'est demain, en fin d'après-midi, à 18h30. Un super lieu, hein. Faut y aller souvent, il se passe des choses incroyables là-bas. Le 19 février, ça s'appelle À bruit secret, c'est un concert également, c'est à Mixarmeris, donc c'est le 19 février, j'ai pas l'heure. Ensuite, le 20 février, ce sera Patricia Oliva et Soufflant à la Maison Peinte. Voilà, c'est un concert privé, mais si vous connaissez du monde qui va là-bas, on peut faire du covoiturage. Le 21 février, il y a les Soufflants invitent à la Pizzeria Belfort également. C'est à 20h. Donc le 21, ce sera... c'est quoi le 21? Ce sera samedi prochain. Voilà. Les Soufflants invitent, quelqu'un peut en parler peut-être? J'ai vu qu'il y a... Alors c'est Julien Martin à la voix, Nicolas Souchel à la trompette et David Audinet au trombone. Il y a des gens qui connaissent? Non? Non. Là, c'est des musiciens aussi, c'est Sébastien qui organise, Sébastien Sirotto. Et d'accord. Qui va jouer ce soir aussi, qui m'a invité aussi, qui aura Luc Fagoaga. Et c'est le 21, ouais. 20h. Voilà, et moi j'ai que ça. Et alors, vous avez d'autres choses. À la pizzeria, à la place à Belfort. Ouais. En fait, une exposition que je ferai à la VAR, moi-même, mm-hmm. avec une exposition qui s'appelle Des dessins sonographes. Et notamment, il y aura quelques dessins qui évoquent un peu la musique improvisée et d'autres grands formats. Ce sera le 23 mars à 19h. D'accord. Et ça va rester juste au 4 du mois prochain. Au mois de mars, donc du 23 au 4 avril. Oui. Ça voilà. Marche. Avec un concert le 4 avril qui est encore en train de se préparer. Normalement, c'est un quartet de trompettes. Bon. D'accord. Il y a un concert à la Pizzeria Belfort encore, le 14 mars. Non, pardon, le 17 mars. Avec Eddie Boubacar et un percussionniste japonais qui est en tournée en France et qui joue de la caisse claire. Mmh. Voilà. Donc il y aura un trio avec moi-même. Super, très bien. Voilà. Youssef, tu veux nous... Parce qu'on a la BCDR de Lee Kuan Yin qui est la fil conducteur de notre émission et tu veux nous lire la lettre E aujourd'hui. C'est ça, Lee Kuan Yin que j'ai toujours pas prévenu, enfin prévenu, informé. On m'a chaudement recommandé de lui faire part en fait de ce projet de lecture qu'on a commencé donc du coup il y a 5 mois maintenant. Et voilà, c'est un livre magnifique. C'est l'ABCDR d'une expérience de Lee Kuan Yin. Ça parle de musique improvisée. Nous en sommes à la lettre E, enchantement. En exagérant à peine, j'avoue une propension à l'enchantement. Il y a une part d'enfance, bien entendu. Non pas toute l'enfance, mais de l'enfance, cette part perceptive où le monde et les autres se découvrent par touches, entre rêve et réalité, où les choses ne sont pas encore nommées, mais sont pure présence par leur forme et leur volume, dans leur texture et leur couleur, dans leur capacité à créer des ombres qui se transforment et bougent au gré de la lumière qui les frappe. Alors, l'improvisation libre comme enfance de l'art, une enfance qui se retrouve pourtant dans l'extraordinaire complexité des relations, dans la technicité mise en œuvre, dans la virtuosité sensorielle nécessaire, ce serait comme si cette pratique permettait de devenir adulte, dans la maîtrise des moyens, en se rapprochant au plus près du cœur de l'enfance, dans l'origine des sensations. Improviser, ce serait jouer comme au premier jour, où tout objet peut devenir un autre, prêt à toutes les substitutions, où il s'enchante d'être autre chose, où il enchante le joueur d'apparaître ainsi. Chaque objet, ici l'instrument, la baguette, l'archer, ou le bois, la pierre, le métal, etc., scintille d'être ce qu'il va contribuer à faire apparaître. Mais il est si facile de perdre contact avec cet enchantement. L'objet s'éteint, l'accès est fermé. Je suis fermé, je me suis fermé. Trop entendre me mène parfois à ne plus rien entendre, je raisonne. Alors, attendre que la raison s'en aille et laisser renaître l'enchantement. Merci. Alors, un petit mot du coup sur France Impro. Alors, du coup, qui passe à un rythme deux fois par mois, bimensuel. On a une autre promotion. Voilà. Alors, les rendez-vous, c'est les deuxième et quatrième samedi du mois à 10h le matin en live. C'est ça. La prochaine, donc, ce sera le 14 mars, donc le deuxième samedi du mois de mars à 10h. Et ensuite, ce sera tous les 15 jours. Ok, voilà. Donc 14 mars, la prochaine émission, c'est un trio de contrebasse. Je pense qu'on ne parlera pas beaucoup et ça va jouer, je pense, du début à la fin. On verra peut-être un petit bonjour, mais voilà, c'est l'idée. Et il nous manque encore le troisième contrebassiste. L'équipe est quasiment faite. Et voilà, donc on vous invite pour notre prochaine émission le 14 mars. Et ensuite, on aura le privilège d'une sélection musicale par Marc Desmoreau. Hein, qui a contribué à l'émergence de la fraction grossière. Et aussi, j'ai passé un an aussi sur la télé de Marc. Avec elle, Ouais. Ah, nous sommes tous des enfants de Marc. Bonjour Marc. Voilà, on finit l'émission par une petite impro. Voilà. Live. Et puis on vous dit au revoir et on vous dit à bientôt et merci d'être à l'écoute. On disait que c'était une rue. Or, c'était un fossé. Les gens de part et d'autre de la rue se voyaient, mais ne pouvaient s'atteindre. Leur cœur était trop éloigné. Les voitures, en empruntant la rue, creusaient le fossé. Elles choisissaient ce que les gens devaient entendre, voir et sentir. France Impro, ça donne chaud. Daddy.